Chapitre 21. Les déchus. Qu'est-ce que vous fichez là ? Thorn avait asséné sa question sans préambule. Son uniforme austère, sa silhouette osseuse, ses cernes noires et son expression renfrognée lui conféraient une aura plus lugubre que celle des nécromanciens du stand voisin. Il contenait de son mieux une impressionnante quantité de papier que le vent agitait entre ses doigts. Ophélie fut tellement prise au dépourvu de le voir ici, au milieu des attractions et des enfants, qu'elle lui répondit mécaniquement « J'amène mon frère au cirque. » « Ma tante est avec vous ?»« Non, elle est restée au sable d'Opale, » bredouilla Ophélie. « Enfin, au sanatorium. Votre grand-mère ne va pas bien du tout. » Elle hésita un instant à mentionner la mère de Thorn, mais il ne lui en laissa pas le temps. « Retournez à l'hôtel, » ordonna-t-il sans un regard pour Hector. « Ces gens du voyage ne sont pas en règle. Il me manque encore 88 pièces d'identité et un permis de séjour professionnel en triple exemplaire. Et je ne compte même pas les animaux. » Se disant, il essaya de ranger la paperasse dans une serviette de cuir, ce qui n'était pas une manœuvre facile avec le vent qui faisait batifoler ses feuilles dans tous les sens. Ophélie finit par comprendre que cette rencontre n'était pas le fruit d'une miraculeuse coïncidence. Thorn venait lui-même de la roulotte d'en face où un étendard, luisant sous la brune, indiquait « bureau du directeur ». Dans un mélange tumultueux de soulagement, de déconvenue et d'indignation, elle prit alors pleinement conscience que non seulement Thorn se tenait bel et bien là, devant elle, en parfaite santé, mais qu'en plus, il y était pour jouer les troubles fêtes. « Avez-vous besoin d'ennuyer ces gens avec votre administration ?» reprocha-t-elle. Thorn eut un froncement de sourcils à l'intention des dirigeables coloris qui flottaient au-dessus de la plage. « Les contrôles d'identité sont incontournables aujourd'hui, plus que jamais !» Un éclair aveuglant coupa Thorn. Avant qu'il pût achever sa phrase, alors qu'il battait furieusement des paupières à la recherche de la source lumineuse qu'il avait agressée, il laissa tomber son regard sur Hector. « Pourquoi vous avez ces cicatrices ?»« Voyons !» chuchota Ophélie en posant une main sur l'épaule de son petit frère. « Pas de pourquoi sur l'apparence physique, tu te rappelles ?» Hector rangea la photographie ratée dans sa poche, puis hissa ses yeux placides jusqu'à Thorn, nullement impressionné par sa taille. « D'accord. Pourquoi vous êtes détestable ?» Ophélie était troublée. C'était la première fois qu'elle entendait de telles paroles dans la bouche de son frère. Thorn, pour sa part, ne semblait pas ému le moins du monde. Son porte-document à la main, il regardait ailleurs d'un air ennuyé. « Pouvez-vous demander à votre frère s'il a fini ?»« Demandez-le-lui vous-même, » dit Ophélie. « Il vous comprend très bien. » Elle avait de plus en plus de mal à se rappeler pourquoi, décidément, elle s'était préoccupée du silence de Thorn. « Je ne parle pas aux enfants !» rétorqua-t-il en évitant de croiser les yeux implacables d'Hector. « En revanche, je souhaiterais vous parler à vous, un petit instant. Demandez à votre frère d'aller jouer dans un coin. Vous, approchez !» ordonna-t-il soudain d'une voix forte. Il venait d'aviser Renard, qui sortait du palais du rire avec une expression béate. Il devait être sous l'effet d'un charme euphorisant, car il adressa un sourire radieux à Thorn, pas plus étonné que cela de le trouver ici. « Prenez cet enfant et emmenez-le faire un tour. »« Nous restons à quelques pas de vous, » dit Renard avec un clin d'œil éloquent pour Thorn. « Que monsieur ne s'inquiète pas. Je ne serai pas trop regardant. Après tout, l'amour est une douce folie et il n'est pas facile de réprimer les élans du cœur. » déclama-t-il en embrassant passionnément le bout de ses doigts. Ophélie dissimula sa gêne derrière un coup de mouchoir. Thorn attendit qu'il soit enfin seul pour baisser sur elle un regard hivernal. Ses cheveux ébouriffés par le vent et luisants d'humidité lui donnaient l'air plus hérissé que jamais. « Je me donne du mal pour vous garder à l'abri. Je vous saurai gré de me faciliter la tâche et de ne plus bouger de l'hôtel. » « Vous facilitez la tâche ?» répéta Ophélie incrédule. « C'est vous qui étiez censé faciliter la mienne, en faisant bonne impression à mes parents. Vous n'êtes même pas encore venu les voir. Nous nous marions dans 4 jours, je vous rappelle. »« Je ne peux pas être partout à la fois, » dit Thorne en désignant son porte-document. « Je procède à mes inspections provinciales annuelles. » « Ne restons pas ici, » ajouta-t-il dans un murmure. Ophélie eut du mal à se maintenir à la hauteur de Thorne dont les longues enjambées faisaient le double des siennes. Il attendit le moment précis où il passait devant un gigantesque piano pneumatique pour demander « Que disait le message ?»« Quel message ?»« La lettre que vous avez reçue hier. »« Comment êtes-vous au courant ?»« J'ai mes sources. Alors, ce message ?»« Je ne dois ni vous épouser, ni retourner à la cour. » « Qui vous a envoyé ce courrier ?» insista Thorne. Ophélie devait fournir des efforts considérables pour l'entendre et se faire entendre de lui par-dessus la musique endiablée et le cliquetis des rouages du piano. « Je ne sais pas. La lettre a été entièrement tapée à la machine et manipulée avec une pince. Elle est illisible pour mes mains. C'est la deuxième de cette sorte que je reçois. Il y avait écrit « Dieu désapprouve cette union » en lettres majuscules. » précisa-t-elle avec une contraction de gorge. Après un bref silence, Thorne se remit en marche. « Vous n'avez rien vu d'autre de suspect ?» C'était typiquement Thorne de mener l'interrogatoire à la façon d'un officier de police. Il avançait droit devant lui, son porte-document à la main, à croire qu'il traversait un bâtiment administratif au lieu d'un cirque. « Une femme, en manteau rouge !» haleta Ophélie à bout de souffle. « Reynolds pense à une déchue. Il l'a vue ici. » « Je ne veux pas m'éloigner de mon frère, vous marchez trop vite !» Thorne daigna ralentir l'allure, non sans décocher des coups d'œil autour de lui. Il paraissait particulièrement tendu, comme s'il se sentait épié. « Je lis les journaux, vous savez, » ajouta-t-elle. « Pourquoi êtes-vous allé vous vanter au sujet du livre de Monsieur Farouk ? Vous me demandez d'être discrète et vous, vous... »« Je vous épargne des menaces de mort supplémentaires !» acheva Thorne à sa place. « Toute l'attention que je concentre sur moi ne se retourne pas contre vous. » Ophélie ne sut répondre à cela. De toute façon, Thorne ne lui en laissa pas l'occasion. « Le comte Harold est disparu. » annonça-t-il abruptement. « Le tuteur du chevalier ?» s'étonna Ophélie. « L'homme qui vous avait fait un scandale à propos de ses chiens ?» Il s'est volatilisé hier soir dans sa baignoire. Les domestiques ont cru qu'il avait fait un malaise. Ils ont dû enfoncer la porte. Il aurait été enlevé dans une pièce fermée de l'intérieur. Et ce n'est pas l'élément le plus troublant. L'eau du bain a vraisemblablement servi. Mais le carrelage était sec. En d'autres termes, le comte est entré dans sa baignoire et rien ne semble indiquer qu'il en est ressorti. Même ses habits sont restés sur place. L'enquête a dû être rouverte au clair de lune, comme si je n'avais pas assez à faire. » Ophélie sursauta à ces mots. « Au clair de lune ?» « Le comte Harold y avait demandé asile, » expliqua Thorne. « Il se sentait en danger et vulnérable sans ses chiens. Il doit être le seul noble de toute la citadelle à ne pas avoir encore compris que l'ambassade n'est plus un endroit sûr. » Ophélie se troubla. La veille encore, Archibald la mettait en garde. Se doutait-il alors qu'un nouveau méfait serait perpétré chez lui ? « Il en a reçu aussi, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Le comte Harold ?» a aussi reçu des lettres de menace. On en a effectivement trouvé dans ses affaires. Thorne avait répondu à contre-cœur. Il examinait d'un air circonspect les lunettes d'Ophélie qui avaient bleui sous le coup de l'émotion. Des lettres comme les miennes ? Insista-t-elle. Des lettres avec Dieu dedans ? Il ne vous arrivera pas la même chose. Le ton de Thorne était absolument catégorique. Ophélie aurait voulu partager sa conviction. Elle avait l'impression d'avoir soudain des nœuds à l'intérieur de tout le corps. « Et vous ? » demanda-t-elle. « Vous avez reçu des lettres ? » ?»« Pas de cette sorte, non. » « Pourquoi ? Si c'est vraiment notre mariage qui pose un problème, pourquoi suis-je soumise à un chantage, moi, et pas vous ?»« Je l'ignore. » Ophélie leva soudain vers Thorne un regard très attentif. « Vous allez représenter les déchus aux états familiaux. » Demain soir, répondit-il avec un sourcillement. Le prévôt des maréchaux, le directeur du Nibelungen et monsieur le comte. Ils se sont tous opposés à ce projet, chacun à sa façon. Je veux dire, bredouilla Ophélie sous le regard perçant de Thorn, le prévôt a assassiné des déchus. Monsieur Tchekhov a multiplié les articles contre eux, et le comte Harold, eh bien, il a quand même envoyé deux mercenaires à vos trousses. Thorn acquiesça, mais n'émit aucun commentaire. Vous n'avez pas peur ? Ophélie éternua en plein milieu de sa phrase, puis se moucha dans un bruit humide qui lui fit honte. Vous n'avez pas peur que ça fasse de vous le principal suspect ? Une brève convulsion agita les lèvres fines, presque invisibles, de Thorn. Ophélie était incapable de déterminer si c'était un sourire raté ou une grimace réussie. « Vous pensez que j'ai organisé ces enlèvements pour me débarrasser des gêneurs ? Vous pensez que je suis l'auteur des lettres et que je veux saboter mon propre mariage ?»« Bien sûr que non !» s'agaça-t-elle. « Mais d'autres pourraient le penser à ma place. » Non. Concernant les déchus, je les représente en toute neutralité. » Fatiguée de lever la tête vers Thorn, Ophélie laissa tomber son regard sur la ligne argentée de la mer qu'on pouvait entreapercevoir entre les stands du cirque, au-delà de l'immense plage marécageuse. Elle se remémora la marque d'infamie sur le visage de la mère de Thorn et une bouffée de colère monta en elle. Elle ne comprenait pas comment un seul homme parvenait à lui souffler dans le corps autant d'émotions contradictoires en même temps. « Vous recommencez ?»« Je recommence quoi ?» maugréa Thorn. « À être de mauvaise foi. Vous êtes à moitié chroniqueur, non ? En essayant de réhabiliter les déchus, ce sont aussi les intérêts de votre famille que vous défendez. Ayez au moins le courage de l'assumer. » Thorn fronça tellement les sourcils qu'une crevasse se creusa au milieu de son front. Vous vous faites décidément une piètre opinion de moi. Les chroniqueurs ne figurent pas dans mon dossier. Ce qui est fort regrettable, cher cousin. Ophélie se retourna en sursaut. Cette voix mielleuse appartenait à une femme longue et mince, dont les yeux étincelaient de malice sous une épaisse frange de cheveux blonds. Elle portait une robe rose à fond foluche ainsi qu'une ombrelle assortie à sa toilette qui la protégeait davantage de la bruine que du soleil. Elle était escortée par quatre hommes qui lui ressemblaient trop pour ne pas être de sa famille. Ils possédaient tous la même silhouette filiforme, les mêmes habits excentriques et la même frange blonde. « Me reconnais-tu, cousin adoré ?» chantonna la femme. Thorn ne répondit pas. « Moi, je te reconnais, » gloussa-t-elle, « même si je dois admettre que tu as considérablement grandi. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais qu'un gringalet de 4 ans. Tu ne nous présentes pas cette petite demoiselle ? Demanda la femme avec un clin d'œil charmeur pour Ophélie. C'est elle, ta malchanceuse fiancée ? Vous n'avez rien à faire ici. Thorn avait déclaré cela d'un ton mesuré, mais ses doigts s'étaient contractés autour de la poignée de son porte-document. Ophélie, quant à elle, haussa les sourcils. Ces gens étaient des chroniqueurs ? « Et pourquoi, cousin ?» minauda la femme en désignant de son ombrelle les remparts d'Asgard à l'autre bout de la grève. « Nous nous tenons à plus d'un kilomètre de la ville, comme le stipule l'article 11 de la loi relative aux conditions de vie des déchus. Nous sommes sages comme des images depuis 14 ans, 5 mois et 16 jours. »« Que me voulez-vous ? » demanda Thorn impassible. La chroniqueuse eut une moue peinée qui fit ressortir ses lèvres aussi roses que sa robe et son ombrelle. Elle devait avoir quelques années de plus que Thorn, mais ses manières étaient celles d'une jeune adolescente. « Comment donc ? Tu ne lis jamais nos lettres ?»« Celles que vous vous êtes tous mis à m'envoyer depuis que je suis devenu intendant ? Jamais. »« Nous nous en doutions un peu, à vrai dire. » soupira la chroniqueuse en échangeant une œillade attristée avec les 4 hommes qui l'accompagnaient. « Nous avons pensé, en voyant tous ces dirigeables atterrir sur la plage, que tu ne tarderais pas à venir inspecter. Tu es tellement prévisible, cher cousin. Nous devons parler, toi et moi. » Ophélie commençait à se sentir franchement mal à l'aise, ne sachant pas s'il était préférable de prendre la parole ou de se taire. La chroniqueuse s'approcha lentement de Thorn, sa robe à fanfreluche laissant une traînée dans le sable humide. Une bourrasque de vent souleva sa frange blonde et révéla, le temps d'une apparition fugace, un tatouage en forme de spirale au milieu du front. « Pourquoi refuses-tu de représenter ta propre famille aux états familiaux ?»« Parce que c'est la loi !» rétorqua Thorn en endossant son impassibilité de parfait fonctionnaire. « Ne peuvent être représentés que les clans dont la date de déchéance excède 60 ans. Article 24, alinéa 3. Réintroduisez une demande de réhabilitation dans 46 ans, 6 mois et 13 jours. »« Tu es fidèle à ta réputation ?» ricana la chroniqueuse. « Prompte à te réfugier derrière les chiffres pour éviter l'affrontement. Tu es un lâche, cousin adoré. Un lâche et un menteur. Tu nous tiens délibérément éloignés de la cour. » Tout comme ta mère nous a toujours tenus éloignés de ses petits secrets. Ne t'en aurait-elle pas confié un ou deux ? Susurra la femme en battant des cils. Peut-être même davantage. À qui d'autre qu'à son fils unique, une chroniqueuse, transmettrait-elle sa mémoire ? Et quelle mémoire ? Avant de la perdre à jamais. Je suis curieuse, tellement curieuse de savoir ce que cache un si grand front. Ophélie retint son souffle. La femme s'était hissée sur la pointe de ses souliers roses et avait délicatement enfoncé son ongle, rose lui aussi, dans la cicatrice faciale de Thorn pour en retracer le dessin jusqu'aux sourcils. Les hommes de son escorte s'étaient approchés subrepticement, de façon à empêcher toute tentative de fuite. Il flotta alors un très long silence durant lequel Ophélie eut tout le temps de se sentir minuscule. Devait-elle appeler à l'aide ? Thorn et la chroniqueuse se défiaient du regard, comme si une bataille était en train de se jouer à l'intérieur même de leurs iris. Personne ne semblait remarquer cette scène décalée sur fond de fête foraine. La grande parade costumée qui passait à côté d'eux attirait toute l'attention. « Ce n'est pas du jeu, cousin !» finit par soupirer la chroniqueuse avec une lippe boudeuse. « Tu es une vraie porte blindée, mais toutes les portes. « Si solides soient-elles, ont une faille ?» chantonna-t-elle avec un sourire espiègle. « Et je crois connaître la tienne. » Ophélie n'eut pas le temps de réagir que la chroniqueuse s'était tournée vers elle dans un tourbillon de robes roses. « Regardez-moi cette innocente petite bouille !» gazouilla-t-elle en lui pinçant affectueusement la joue. « Révèle-moi tout, ma mignonne !» « Quel sombre et quel terrifiant secret cet homme partage-t-il avec toi ?» Ophélie aurait été bien en peine de répondre. Elle ne parvenait plus à remuer ni les lèvres, ni les doigts, ni les cils. Même son écharpe, qui battait nerveusement l'air depuis un moment, s'était soudain immobilisée, comme le pendule d'une horloge à l'arrêt. Ophélie ne voyait que les grands yeux, maquillés en rose, que la chroniqueuse collait contre ses lunettes. Au bord de l'endormissement, elle entendait sa voix aiguë de loin, tandis que des souvenirs remontaient à la surface, comme des bulles. Thorn lui arrachait le combiné téléphonique des mains. Thorn pointait son pistolet sur elle au milieu d'une tempête de papier. Thorn lui remettait sa montre en gage de confiance. Thorn empoignait le bras de la chroniqueuse. Ophélie battit des paupières. Non, cela, ce n'était pas un souvenir. Thorn venait bel et bien de saisir sa cousine par le bras. Il l'avait fait sans brusquerie, très calmement, l'obligeant à s'écarter d'Ophélie, centimètre par centimètre. « Les fouilles mémorielles, » dit-il d'une voix posée, « sont expressément interdites par la loi relative aux restrictions d'usage des pouvoirs familiaux, article 53 bis. N'aggravez pas votre situation, madame. » La chroniqueuse récupéra son bras d'un geste si rageur qu'elle en fit tomber son ombrelle. « Ne me parle pas sur ce ton condescendant, bâtard. J'avais 13 ans, quand on m'a jeté dehors comme une malpropre. J'étais jeune, jolie et fortunée. J'ai tout perdu à cause de ta mère. Est-ce que tu sais combien d'entre nous sont morts dès le premier hiver ? Est-ce que tu as idée de ce par quoi nous avons dû passer, mes petits frères et moi, pour vivre décemment ? Demanda-t-elle en agitant toutes les fanfreluches de sa robe. Nos parents étaient l'élite de la cour. Ils ont crevé comme des rats, sans même avoir le temps de nous transmettre leur mémoire. Et toi ? Persifla la chroniqueuse avec mépris. toi, tu te pavanes devant Farouk pendant que ta mère séjourne dans un établissement de luxe. Que t'a-t-elle révélé ? Supplia-t-elle soudain en s'agrippant au grand manteau noir de Thorn. « Tu nous la dois, cette mémoire, c'est notre seul héritage !» Encore engourdie par la fouille mémorielle qu'elle venait de subir, Ophélie avait assisté à cette tirade avec un sentiment d'irréalité. « Je ne vous dois rien du tout !» répondit Thorn d'un ton égal. La chroniqueuse lâcha son manteau comme s'il était devenu d'une saleté répugnante. « Tant pis pour toi. Je t'arracherai tes souvenirs par la force, s'il le faut. » Elle remit de l'ordre dans sa belle robe rose et récupéra son ombrelle sur le sable, lissa sa frange d'un geste coquet, puis adressa une œillade complice aux autres chroniqueurs. « Allez-y, mes frères. Donnez-vous-en un cœur joie avec notre cher cousin, et surtout, n'épargnez pas la petite bouille de sa fiancée. » Les quatre hommes firent grincer leurs gantelets cloutés quand ils s'avancèrent. Le cœur d'Ophélie s'était mis à battre si fort qu'elle put sentir le sang tournoyer en elle. Fuir ! La pensée jaillit dans son esprit comme une étincelle. Thorn fut plus rapide encore. D'un revers de bras, il avait poussé Ophélie à la renverse et annoncé d'une voix singulièrement pragmatique. « Ils sont à vous.